Ça va ouvrir des réseaux d'énergie dans le corps astral. Ça va vous rendre sensible au plan astral. Ça peut vous rendre sensible à des belles choses dans l'astral, ça dépend. Comme ça peut vous rendre sensible à des choses qui sont très laides dans l'astral. Les gens appellent ça des portes. Ici, c'est... Ouais. Hey, quand tu dis que tous les mots sont des prisons, pas des mots de terre. Tous les mots, moi je vous parle, hein? Je vous parle précisément, je vous dis ce que je veux vous dire, mais les mots sont des prisons. Il y en a qui ont des techniques là, pour, disons, altérer, je ne sais pas, momentanément, ou plutôt, disons, embranler certaines cellules. Pour ouvrir d'autres sens, c'est des conseils. Il y en a qui ont des techniques. Tout ce qui vient en bas, c'est des conseils. Tout ce qui est lié à l'ego. Laissez le temps de faire les choses. Tout ce qui est lié à l'ego, c'est des conseils. Non. Je pense qu'elle va rentrer. Ça doit être ça, des réponses comme ça. C'est pas bien, c'est quand tu viens la destruction des formes, si tu es plan matériel, c'est tant les gagnants du plan matériel. Tu comprends la loi de la destruction des formes. À ce moment-là, tu changes de cycle de vie. Éventuellement, tu as la vie, tu as la seconde vie, tu es l'intérieur. Tu deviens conscientisé. Tu appartiens, tu formes une nouvelle race. Déchirer le voile, ça fait partie de la septième initiation. Déchirer le voile, c'est pas la destruction des formes. Déchirer le voile, c'est initiatique. C'est occulte. C'est... Déchirer le voile, c'est un œuvre. Mais qui sert à une humanité. Une fois que tu as déchiré le voile, à ce moment-là, ça sert à une humanité. Tu vas dire, à partir du point, à partir du plan psychologique, un peu plus de personnes. Ou à parler de liberté. Ouais, ça, un petit peu, qu'est-ce que c'est la liberté? Mais la liberté, être un agent libre, c'est tout bon. Tu sais, quand vous avez une job, vous avez une job pendant 20 ans, vous avez une sacrée job-là, la première journée, vous sentez bien. On met le tête tout de même. Être un agent libre. Les hommes ne comprennent pas ça parce que dans notre évolution ancienne, dans notre évolution, on a été dominé. Là, c'est le mouvement contraire. Là, on s'y bat, quand on est libre, c'est le lit est fort. Sur le plan matériel, elle est pas en haut, l'expert en haut, mais en fait en haut, c'est. La septième limitation après la libération de la forme de l'âme. Ah, c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. L'ego rentre dans l'âme, puis c'est lui qui détruit l'affaire autour. C'est ça la libération de la forme de l'âme. Cette partie est cinq voiles. Cinq choses. Il dit parce que ça fait partie du domaine supérieur de l'évolution, que ça ne doit pas être capté par les plans intérimaires. Tu comprends ça? Oui. Je suis allé jusqu'au cinquième. Parce qu'à la cinquième initiation, on parle vraiment en haut de la chaîne. Ouais, c'est bien. Le savoir n'est pas assimilé à la fusion. De la plus, si c'est fusionné, le savoir est parfait. Parce que si c'est pas fusionné, le savoir n'est pas parfait, mais il est bien. Plein d'exemples, prends en temps, c'est une femme, c'est l'aide, c'est l'aide, c'est l'aide, c'est l'aide, c'est l'aide. La femme, son savoir n'est pas parfait. C'est bien. C'est bien. Dans ce phénomène, quand tu es dans le grand savoir, ça veut dire que tu es sûr de ce que tu fais seulement. Tu es sûr d'être sûr, seulement tu ne pourras pas le faire avec la perfection que tu t'es attitionné. Parce que tu n'es pas le savoir. Ah, il y a des nuances à ce moment-là qui rentrent dans le jeu. Oui. C'est comme dans les grands qui ont été gravés. Disons que le savoir, c'est de mettre le verre au centre. Moi, je m'aime. Moi, je prends mon ma femme, elle a le savoir, elle va le mettre. Il fait tout le temps au centre. Il fait pas au centre. Hein? Quand il y a le savoir, c'est le savoir. Le savoir, ça se discute pas, le savoir. Il n'y a pas complètement au centre, c'est bien. Non, ça n'est pas ajusté. Tu n'es pas en fusion, tu n'es pas ajusté, tu peux avoir un petit peu d'émotion. Tu peux avoir un petit peu d'émotion dans ton savoir, tu ne sais pas, tu n'y vas pas du tout. Alors, le savoir, c'est la fusion parfaite. Le savoir, la fusion parfaite, c'est le savoir. Quand tu es fusionné, tu as le savoir, quand le savoir, tu as la fusion. Le savoir parfait, c'est dans la fusion. Mais il ne t'appartient pas, le savoir. Qu'on a, c'est une direction. C'est plus le mouvement vers le temps. Quand tu brises le voile, tu viens sur le planète. Je viens sur le parce que tu es capable de prendre une minute. Tu le temps, mais j'ai tant de c'est ça que l'humanité rajoute des choses. L'humanité, c'est au niveau collectif. L'humanité va devenir l'équivalent du plan collectif de ce que le Christ a été sur le plan individuel. L'humanité va amener dans le sentiment certain sens de l'amour. Quand l'homme va voyager. C'est bon. Quand tu es conscient, c'est de l'amour. Il n'y a pas d'amour subjectif, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. L'amour que tu penses, c'est l'amour, c'est stupide. L'amour, c'est ce qui tient l'univers ensemble. La matière est maintenue ensemble. Hein. Les atomes sont maintenus ensemble. C'est vrai, c'est plus maintenant. Ça nous donne l'amour aussi. C'est dans les deux papiers. C'est ça. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Ce qui l'organise, c'est l'intelligence. Ce qui donne le mouvement, c'est la volonté. C'est l'esprit de la Trinité. C'est vrai. C'est un beau scrum. peut pas. C'est sûr que ça va être très difficile. L'hiver, d'abord, c'est un animé. Il y a un œil de lumière, c'est un œil qui a formé une alliance avec les forces de lumière. Les forces de lumière sont des intelligences qui ont voulu faire l'expérience du cosmos. C'est la belle leçon. Non, il y a un rapport, il y a un parallèle entre la Trinité positive et la Trinité négative. Pensez au Père, le Fils et l'Esprit dans la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit dans la Trinité satanique. Dans la Trinité positive, on a le Père absolu, on a le Fils qui est l'amour, c'est ce qu'il est, et on a l'Esprit qui est l'Esprit. Dans la Trinité négative, vous avez l'Esprit qui est l'absolu, c'est pas l'Esprit qui est le Père. Vous avez l'Esprit qui est l'Esprit. Vous avez Satan. Et au-dessus de cette Trinité, là, vous avez une autre Trinité. Qui est la Trinité absolue. Cette Trinité absolue agère les deux là. Elle permet l'existence des deux là. Non, c'est pas une idée. Et pas tout d'autre, c'est qu'on n'a pas l'entendre. Nous autres, on a la difficulté à comprendre que l'amour maintient l'univers quand il disparaît. Il y a tout. Mais j'ai jamais dit que l'histoire était l'univers. J'ai dit que l'histoire, dans son mouvement, dans les espaces actifs, a conçu. Concevoir l'univers, ça veut dire l'avoir, la projeter. Et à ce niveau-là, quand tu projettes, tu mets la fondation pour le faire. Alors, l'histoire a conçu l'histoire. Le Père, celui. Il a permis. L'absolu des absolus a donné son consent. Donc, vous avez trois pères. Là, on parle d'un père. Il y en a trois. Mais un père, ça représente un principe éternel. Il y a différents niveaux d'absoluité. C'est un principe. Un fils, c'est la même chose. Ça représente un principe. C'est une différente fonction. Le Christ, c'est une fonction. Ce qu'on appelle le Christ, Michael et Lévadon, une fonction. Par en haut, de maintenir l'harmonie dans l'univers. Satan aussi a une fonction. C'est de créer la désharmonie dans l'univers. Des fonctions pour lui, bien sûr. Mais, dans la Trinité absolue, c'est un père, c'est un fils. L'amour de l'intelligence. Ils ne sont pas les meilleurs hommes, ils ne sont pas les meilleurs pour un éducateur. Et dans cette Trinité absolue-là, c'est un fils aussi qui permet la polarité des deux autres. Comme que le principe d'intelligence permet la polarité des autres. Des deux autres. Comme dans l'univers, c'est de l'intelligence négative, c'est de l'intelligence créative. Les deux sont essentiels. Les hommes en évolution, eux, parlent par les phases.